illegal prod, illegal. Natural dog, natural dog. Papasonic say big up, big up, big up. Original combination. We keep on a dance on the man. Ragamuffin, ragamuffin. Yeah. Cours bambou clac cours, pour passer en école et libérer le parcours. Mais c'est cours bambou clac cours, pour les débuts des débuts y'aura pas des études pour. Mais c'est cours bambou clac cours, pour passer en école et libérer le parcours. Mais c'est cours bambou clac cours bambou clac comme again and again. C'est cours bambou clac cours, pour passer en école et libérer le parcours. Mais c'est cours bambou clac cours. Pour les débiles et les débiles, y'aura pas des études pour. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école de main, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Cours, bambou, clac. Hey, c'est le mic trip du monkey. Ce soir c'est freestyle. Seul avec moi-même, mon big te donne tous les détails de ma vie. Car ma vie, c'est basique et basique toute ma vie. Ton avis, donne-le quoi qu'il arrive, je reste MC. Ragamuffin n'est rien de plus. C'est l'animal qui manie le mic et t'as du man qu'on va les plus. Y'a pas d'héros dans mon équipe que des types perdus. Perché, fainéant, à force de trop de verdure. Chut, mais qu'est-ce qu'on l'aime quand même. Une journée sans Marie-Jeanne, pour nous ce n'est pas la même. J'enchaîne les prêts, t'es fait le beat, pas besoin de répé. Donne-moi le beat, j'appose ma patte et mon dialect. Faut pas le fou qui débite vite, c'est radical. Sans sound boy, just quelques mics. Pas de bad boy, c'est le monde qui kick ça. Comme les rude boy, y'a bêté dans la toile. Donc donne-moi la voix qui fait mal, mal, mal, mal. Cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école le mic, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour les débiles et les débiles, y'aura pas des études pour. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école de main, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Cours, bambou, clac. Balance le beat, rapide analyse. Prise de tempo, de mon stylo découle des mots qui font que souvent les débiles balisent. À saint monter à gamofine, on n'est pas là pour jouer les beaux. Pour sublimer les mélodies, depuis longtemps on fait le boulot. Dis-leur ça, coupe pas, n'abandonne pas. Oui le singe est de retour et tant pis si ça te plaît pas. Toasté c'est tout ce que j'ai faire, c'est tout ce que j'aime faire. Dans ma musique j'suis libre, non j'n'ai pas de blonde carrière. C'est cours bambou clac cours. Pour passer en école le mic, libérer le parcours. Mais c'est cours bambou clac cours. Pour les débiles et les débiles, y'aura pas des études pour. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école de main, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Cours, bambou, clac. Comme un putain de mêlée, mélodie dans mon cerveau, les mots se mêlent. Et entre mes phases et mon flow, souvent ça tourne à la querelle. Accroché à mon micro comme un chewing-gum à sa semelle. Et entre nous, je sais pas ça remplira pas ma gamelle. J'ai la dalle de reading, c'est à moi une bonne instrumentale. Tu peux garder ton verre de rhum et plutôt tourner dans un man. Ah oui, loin d'être un caprice, ça me rendra pas original la vie. C'est moi qui la vis quand tout sera fini, qui sera hall. Pas grand monde, donc pas perdre de temps. M'a cherché à perdre tout le temps. Respecter ceux qui m'écoutent en restant vrai, je te le dis, tu m'entends. Qui m'attend? Personne, moi je suis monsieur Tolman. Un homme parmi les hommes discrets comme un poseur de bombes. Je me fonds dans la masse. Viens exploser ta sono, je pose mes mots sur la base. Ça fera jamais de moi un héros, je suis qu'un artiste. Boy. Musicien chromage, j'ai trouvé mon équilibre au fil de mes pages. Cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école de main, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour les débiles et les débiles, y'aura pas des études pour. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école de main, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Cours, bambou, clac, comme again and again. C'est cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école le mic, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour les débiles et les débiles, y'aura pas des études pour. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Pour passer en école le mic, libérer le parcours. Mais c'est cours, bambou, clac, cours. Cours, bambou, clac, cours.